بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله نلوم الله سبحانه وتعالى الكريم المنان سبحانه وتعالى جل في علاه donc il nous permet de nous asseoir inshallah pour débuter dans l'explication d'un texte fondamental concernant la science de l'aqida. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ dit, est-ce que sont du même niveau ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète alayhi salatu wassalam dans son livre de lui demander l'augmentation de la science. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا » et dit « Oh mon Seigneur, rajoute-moi en science. » Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari selon Muawiyah radiyallahu an qui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa salam dire « Celui à qui Allah veut du bien, il le renverse dans les sciences de la religion. » Et le prophète alayhi salatu wa salam dit encore « وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ Et celui qui entreprend un chemin, qui prend un chemin pour obtenir la science, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera un chemin vers le paradis. Mais mes chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de s'asseoir. Comme je viens de le dire, la permission provient de la subsistance donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette permission-là, c'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Et celui qui voit dans son cœur la demande de la science, l'amour du ilm, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout dans cette époque et cet endroit, endroit où les gens quasiment n'ont que faire de l'apprentissage de la science religieuse, n'éprouvent pas beaucoup d'intérêt pour la science du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui a ce sentiment-là, hein, qui trouve ce sentiment présent dans son cœur, qu'il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le sens de son verset en français, « Wala in shakartum » en arabe afwan, « Wala in shakartum la azidannakum » Si vous remerciez, je vous rajouterai. Donc mes chers frères, bihawlillahi azza wa jal, nous allons entrer donc dans une matière hein, qui s'appelle « Al-Aqidah ». Et comme je l'ai cité de nombreuses fois, un des hadiths qui rassemble les fondements de la religion, de l'islam, du din d'Allah subhanahu wa ta'ala, est le hadith de Jibril alayhi salam. Le hadith où Omar radiyallahu anhu dit, alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wa salam un jour, un homme entra, ayant des vêtements blancs et les cheveux très noir, il s'assit auprès du prophète alayhi salat wa salam et colla ses genoux contre eux, les genoux du prophète alayhi salat wa salam et mit ses mains sur ses cuisses, soit ses cuisses à lui et d'autres explicateurs du hadith disent les cuisses du prophète alayhi salat wa salam. Puis lui dit, informe-moi au sujet de l'islam. Et le prophète alayhi salat wa salam lui cita les 5 piliers connus. Il lui dit ensuite, tu as raison. Omar dit, nous nous étonnâmes. Il le questionnait et lui confirmait sa réponse. Puis il lui dit, informe-moi au sujet de la foi. Et lui cita les 6 piliers que vous connaissez, Inch'Allah. Il lui dit ensuite, informe-moi au sujet de Al-Ihsan, que nous traduirons par l'excellence. Il lui dit, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Puis il lui posa des questions sur l'heure et sur ses signes, etc. Ce hadith-là regroupe le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela est la parole du prophète alayhi salatu wassalam à la fin du hadith qui dit « Ya Omar, atadri mani sa'il, ô Omar, sais-tu qui est celui qui a questionné ?» Omar radiyallahu anhu a répondu « Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son messager sont plus savants. » Il a dit « Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum » C'est Jibril qui est venu pour vous enseigner votre religion. Donc la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est donc composée de ces 3 catégories. La première, l'islam, qui dans ce contexte-là, nous avons dit, renvoie aux actes extérieurs, la shahada, l'accomplissement de la prière, le don de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan, et effectuer le pèlerinage à Beytillahi Azzawajal pour celui qui en a les moyens. Puis la foi, ce sont les six piliers qui ont été évoqués, et Al-Ihsan comme il a été défini, c'est de adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Si on ne le voit pas, qu'on sache que lui nous voit subhanahu wa ta'ala. Donc le dîn ne sort pas de ces trois catégories là. Et nous avions expliqué dans un dars précédent que Al-Islam, donc ici comme étant les actes extérieurs, est pris en considération par une science qu'on appelle Al-Fiqh. Al-Fiqh va venir analyser donc ces différentes pratiques. La prière, comment prier, comment donner sa zakat, comment jeûner le mois de Ramadan, comment faire le hajj. Donc l'apprentissage de ces actes extérieurs s'apprend à travers une science qui s'appelle Al-Fiqh. Les six piliers de la foi vont être étudiés dans une science qui s'appelle Al-Aqidah. Nous allons donner la définition d'Al-Aqidah plus tard, Inch'Allah. Et Al-Ihsan va être étudié dans une science qu'on va appeler Al-Tazkiyah, la purification, qui consiste à atteindre, Inch'Allah, ce niveau-là, à travers nos adorations, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si on le voyait. Et si nous ne sommes pas dans cet état-là, que au moins nous l'adorions, subhanahu wa ta'ala, en sachant que lui nous voit. Donc nous allons, bi'iznillahi azza wa jal, entrer donc dans cette science-là qui s'appelle la science de l'aqidah. Cette science de l'aqidah, donc de la croyance, c'est une science qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que l'aqidah, c'est le socle qui réunit tous les musulmans. Et même cette aqidah que nous allons étudier là, qui est une partie de l'aqidah qui est tawhid, et nous allons voir la différence entre l'aqidah et tawhid, en quoi ils se rejoignent et en quoi ils se séparent, c'est même le socle commun, al-qadr al-mushtarak bayn al-anbiya. C'est le tronc commun entre les différents prophètes que nous allons voir. Ce que nous allons, la plupart des choses que nous allons étudier, ce sont des choses qui sont en commun entre chaque prophète, de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et ces points-là que nous allons voir sont extrêmement importants. Et cette communauté-là, qui veut donc revenir à son majd, à sa gloire, à sa notoriété, à son pouvoir, à sa supériorité, ne pourra atteindre cela qu'en revenant à sa aqidah, qu'en revenant à sa croyance. Le retour à ce à quoi étaient, ce sur quoi étaient les sahaba radiyallahu anhum, ainsi que ceux qui les ont suivis bi ihsan de la meilleure manière, ne sera possible que par un retour à la croyance, que par une authenticité dans la croyance, qu'en délaissant les mauvaises croyances. Ça, c'est la première étape. Et le reste n'est qu'une ramification de cela. Les musulmans, même s'ils se comportent bien avec leurs parents, même s'ils se comportent bien avec leurs voisins, même s'ils se comportent bien avec leurs épouses, avec leurs enfants, même s'ils sont honnêtes dans leurs transactions financières, etc., mais que la aqidah est fasida, que la aqidah est pervertie, elle est souillée par des bid'ah, elle est souillée par des innovations, ces gens ne seront jamais une cause de retour à la majestuosité, à la notoriété et à la supériorité, au pouvoir qu'avaient les musulmans dans les siècles passés. Ça, c'est muhim jiddan. Donc au niveau de mon manhaj individuel, au niveau de mon évolution à moi, au niveau de mon rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon premier souci, ma première préoccupation, c'est d'arranger ma aqidah. Individuellement, entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première chose que je dois arranger. Puis au niveau communautaire, le retour de cette communauté passera seulement et uniquement en première étape par cela. Et avec cela, l'amélioration du comportement, l'amélioration des mu'amalat, etc., des relations sociales, et toutes ces choses qui ne sont que des ramifications par rapport à l'aqidah bi'iznillahi azza wa jal. Donc qu'est-ce que, mes chers frères, l'aqidah ? Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup, et parfois on n'en connaît pas le sens, on n'en connaît qu'un sens, mais qui est général. D'abord au niveau linguistique. Et avant de commencer, une chose qui est importante. Lorsqu'on définit un mot, dans nos cours, et vous verrez ça dans les livres des savants, ou bien dans les dorus des savants aussi, un terme est toujours défini d'abord de manière linguistique, puis de manière consensuelle ensuite. Qu'est-ce qu'on veut dire par linguistique ? Son sens dans la langue arabe. Lorsque les Arabes utilisaient ce mot-là, qu'est-ce que ce mot signifiait chez eux ? Puis dans le sens consensuel, le mot aqida, là nous allons voir, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe ? Les Arabes en général, quand ils utilisaient le mot aqida, à quel sens ça cela renvoie ? Puis le mot aqida dans la science, dans sa science à lui, donc la aqida, qu'est-ce que ça veut dire ? De même, al-iman, la foi. Al-iman, nous verrons qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe, qu'est-ce que ça veut dire dans le sens consensuel, dans le sens shar'i, législatif. En islam, qu'est-ce que veut dire le iman ? En islam, qu'est-ce que veut dire l'aqida ? Nous avions vu l'année dernière dans le fiqh as-salah, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe ? Ad-du'a, c'est l'invocation. Dans l'islam, dans le sens shar'i, législatif, as-salah, ça veut dire du'a ? Non, ça ne veut pas dire que du'a. C'est, nous avons dit, une ibada, une adoration. Ibada, dhatu aqwal, marsousa, composée de paroles spécifique wa af'alin marsousa et de actes spécifiques muftatahatun bit takbir introduit donc il commence par le takbir l'expression Allahu akbar wa muhtatamatun bit taslim et qui se termine par le salam et ça cette science là ce qu'on appelle la science des hudud des définitions et des haqa'iq des réalités ça c'est un ilm dont prenez très soin beaucoup les premiers et les savants jusqu'au jour d'aujourd'hui, afin que n'entre pas dans une définition ce qui n'en fait pas partie et que n'en sorte pas ce qui en fait partie. Et aujourd'hui, et même dans les temps passés, si il y a des confusions et des bidères qui pénètrent parfois et autres, c'est parce qu'il y a un problème au niveau des haqa'iq. Et l'ami, l'ignorant, pourquoi est-ce que sa déviation peut être rapide ? C'est parce qu'il ne peut pas définir ce sur quoi il est. Si tu lui demandes, définis-moi l'islam qui est ta religion, qui ne te lâche jamais, il ne peut pas définir l'islam. Donc nous allons arriver ensuite, comme aujourd'hui, à des choses qui, à des termes ou des expressions qui vont pouvoir parfois même réunir deux contraires. Les gens vont réunir deux notions comme on réunit le jour et la nuit. Et la réunion du jour et de la nuit est impossible. N'est pas possible. Soit il fait jour, soit il fait nuit. Aujourd'hui, nous entendons par exemple musulman laïque. Ça, c'est pas possible. Le musulman ne peut pas être laïque. Et le laïque ne peut pas être musulman. Car il y a réunion de deux contraires. Car en islam, al-hukm appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la religion commande le politique et non pas le contraire. Alors que la laïcité, c'est la scission entre le politique et le religieux. Donc c'est du kufr et le kufr. Et l'islam ne peuvent pas être réunis. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à des expressions comme ça ? C'est parce que la définition, la délimitation de l'islam n'est pas claire dans la tête de ces gens-là. Sauf les munafiqs réels, les hypocrites qui savent que ça ne va pas de pair avec l'islam et qui font exprès de faire pénétrer ça pour faire dévier la aqida des musulmans. Mais certains, avec sincérité et avec une bonne intention, veulent lier les deux notions. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas définir l'islam. Donc les définitions, c'est extrêmement important. On va voir la définition du tawhid. Aujourd'hui, on a parfois même des lacunes dans le tawhid. On entend des choses qui sont complètement contraires au tawhid si on revient aux paroles d'Allah, du prophète, alayhi salatu wassalam, et des salafs. Donc ça, c'est en raison des lacunes au niveau des hudoud, des ta'arifs au niveau des définitions. Donc al-aqidah, c'est pris du mot arabe al-aqd. Al-aqd. Qu'est-ce que al-aqd ? Al-aqd, c'est rabtu shay. C'est le fait de nouer quelque chose, de faire un nœud. Al-aqd, dans la langue arabe, c'est le fait de faire un nœud. C'est donc le contraire de l'ouverture. Aqad al-habla, en arabe, ça veut dire il a fait un nœud à la corde. Halla al-habla, ça veut dire il a ouvert la corde. Et donc cette expression-là tourne autour de certains sens en arabe qui sont al-luzum wa ta'kid wa al-istithaq. Donc qui sont le renforcement, le fait de renforcer quelque chose, de le fermer, de le stabiliser. Et cette notion est claire dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit la yu'akhidhukum Allahu bil-lahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtum al-ayman. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous parle donc du lahw. Dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne vous prend pas donc en considération dans lorsque vous jurez par rapport au lahw. Lorsque les gens disent Wallah tout le temps, Wallah, Wallah, Wallah, qu'ils le disent de manière routinière comme ça, sans qu'il y ait un azm au niveau du qalb, sans qu'il y ait une intention ferme au niveau du cœur, ils disent comme ça Wallahi, mais sans avoir une intention de jurer. Sans avoir l'intention de jurer réellement. Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas en considération là. Il dit Walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumu al-ayman. Mais par contre, il vous prend. Il prend en considération ce pourquoi vous avez fait le aqd. Aqadtumul ayman, afwan, pas l'iman. Aqadtumul ayman, ce pourquoi vous avez fait un véritable, vous avez juré de manière véritable et ferme. Donc, l'aqd dans ce verset-là renvoie au azm dans le cœur, à la ferme intention de jurer. Donc, dans la aqida, nous allons avoir cette notion-là qui est al-jazm ou al-qata. Qui est donc le fait de croire avec certitude, de manière tranchée et de manière ferme. Donc nous passons maintenant au sens consensuel, au sens de la aqida dans l'islam. Qu'est-ce que l'aqida ? L'aqida donc, c'est la foi aux six piliers. C'est la croyance aux six piliers. Les six piliers cités dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Et ça c'est une règle, retenez-la mes chers frères. Il y a toujours un lien entre la définition linguistique et la définition consensuelle. Il y a toujours un lien entre la définition linguistique et la définition consensuelle. Et la définition consensuelle, donc bien que possédant un lien, elle se différencie. Et beaucoup de gens de l'innovation s'égarent à ce niveau-là en ne différenciant pas la définition linguistique de la définition consensuelle. Comme par exemple les Mourji'a, hein, les Mourji, qui sont donc une secte et qui se sont égarés au niveau de la foi, ont défini la foi donc législative, sharia, la foi dans l'islam, comme ils ont défini al-iman dans la langue arabe. Car al-iman dans la langue arabe, c'est at-tasdiq, c'est la croyance, croire, croire en quelque chose, de manière tranchée. Et ceci, il n'y a pas de doute, ça se trouve dans le cœur. Mais la foi, dans sa définition sharia législative en islam, c'est beaucoup plus large que ça. Ça comprend cette notion-là, mais ça en comprend d'autres, comme nous allons le voir lorsque nous allons définir la foi, inshallah. Et ces gens se sont égarés car ils ont superposé les deux définitions. Ils ont pris comme définition législative la définition linguistique. Al-aqida. Il y a un lien intime entre le mot aqd dans la langue arabe que nous avons dit, donc c'est faire un nœud fort, ce qui renvoie aux notions de choses renforcées, insistées, stables, avec la aqida, donc dans le sens législatif. Quel est le lien? C'est que la aqida, donc qui est la croyance aux six piliers, elle doit être tranchée, ferme à 100%. Donc le shak, le doute, et Adhan, qui est la pensée prépondérante, à la base ne sont pas acceptés. Il faut croire à Allah à 100%. Croire à son existence à 100%. Croire à son unicité dans sa seigneurie à 100%. À son unicité dans sa divinité à 100%. À son unicité dans ses noms et attributs à 100%. Celui qui croit à 99,9 est kafir billahi azza wa jalla. Est un mécréant. Croire de même aux anges, aux livres, aux prophètes, à la prédestinée, bonne ou mauvaise, et au jour dernier, à 100%. Celui en qui pénètre, ne serait-ce qu'un doute moindre, voit sa aqida annulée, voit son iman annulé. Donc, l'aqida, elle a ce lien intime avec le sens linguistique qui est donc l'azm ou l'jazm. Donc, qui est la stabilité, le renforcement, l'insistance, le fait que ce soit tranché bi-iznillahi azzawaj. Donc, ça, c'est la définition de l'aqida. La définition de l'aqida. La définition du tawhid. Le tawhid, je vais essayer d'être simple, car même les termes en français, parfois, sont un peu compliqués, et s'ils sont mal utilisés, vont trahir le sens arabe. Le tawhid, en arabe, c'est un masdar. Le masdar en arabe, on va essayer d'aller doucement, Inch'Allah. Le masdar en arabe, c'est le nom d'action. C'est le nom qui renvoie à l'action du verbe. En français, par exemple, sortir. Le verbe sortir. Quelle est l'action de ce verbe-là? C'est la sortie. Et quand on dit la sortie, c'est pas la sortie comme on va voir ça écrit sur une porte. Sortie. Non, ça c'est un endroit. Le masdar, c'est quand on observe, par exemple, des gens, c'est l'action faite par le verbe. On voit des gens sortir, on dit la sortie. La sortie des élèves, la sortie des... C'est cette action-là. L'action faite du verbe. Ça, c'est le masdar. At-tawhid, c'est le masdar pris du verbe wahhada yuwahhidu tawhidan. En français, on va traduire ça par uniciser. Plus que unifier. Uniciser. Uniciser, c'est quoi? C'est le fait de attribuer l'unicité à quelqu'un. At-tawhid, c'est le fait de attribuer la qualité de l'unicité à quelqu'un. At-tawhid, donc, c'est l'attribution de al-wihda à une entité. Al-wihda, c'est l'unicité. Parce que souvent, on lit dans les traductions, kitab al-tawhid, le livre de l'unicité. Non, en vérité, on a trahi le sens. Parce que at-tawhid, c'est pas l'unicité. Al-wihda, c'est l'unicité. Ça, c'est le statut, c'est la qualité d'être unique. Al-wihda. At-tawhid, c'est le fait de attribuer l'unicité à quelqu'un. Ici, pour nous, ça va être Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qu'est-ce que la différenciation est saisie? At-tawhid, le fait d'attribuer la qualité de wihda. Maintenant, cet acte-là, il se fait à quel niveau? Il se fait au niveau du cœur. Il se fait au niveau du cœur. C'est pour ça qu'en arabe on dit at-tawhid ja'alu shay'i wahidan. C'est faire de quelque chose qu'il est unique. Mais faire de quelque chose qu'il est unique. Quand je fais le tawhid d'Allah, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas unique avant cet acte, puis il devient unique? Non. Donc cet acte-là n'est pas un acte qui a lieu sur l'extérieur, sur ce qui est externe à moi, non. C'est quelque chose qui a lieu dans mon cœur. Car ceux qui acceptent la pluralité des dieux et qui acceptent qu'il y ait plusieurs divinités, c'est le cœur. Mais dans l'extérieur, il n'y en a qu'un. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mushrik, quand lui, il croit en plusieurs dieux, c'est qu'il y en a plusieurs à l'extérieur? Non, c'est dans son cœur qu'il a attribué ça. Et toi de même, lorsque tu vas faire l'acte de tawhid, qui est l'attribution de l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et ses attributs, tu vas le faire avec ton cœur. Mais dans l'extérieur, tu n'as pas d'impact. Pour ça que at-tawhid, pour celui qui a quelques notions d'arabe, les autres le mettent entre parenthèses, ala wazni taf'il. Et at-taf'il, min ma'anihi fil arabiya an-nisbah. Le tawhid, ça ressemble, par exemple, au takfir. Le takfir, qui est l'attribution de la mécréance, du statut de mécréant à quelqu'un. Lorsque quelqu'un, on dit qu'il est devenu kafir, on a fait son takfir. Est-ce que c'est au moment où j'ai dit qu'il est kafir, qu'il est devenu kafir ou avant? Il l'était déjà. Et cette attribution de statut, maintenant c'est l'attribution d'un statut que je lui ai fait. At-tafsiq, quelqu'un boit du vin. Boire du vin, c'est une kabira, c'est un grand péché. Boire du vin, c'est une kabira, un grand péché. Et dans la aqidah d'Ahl Sunnah al-Jama'a, cette personne ne sort pas de l'islam, mais il est entré dans le fisq, la perversité entre guillemets, car il a fait un grand péché. À ce moment-là, moi je vais faire ce qu'on appelle avec mon cœur, puisque je l'ai vu boire du vin, je vais lui attribuer le statut de fasiq. Je vais faire ce qu'on appelle son tafsiq. Avec quoi je fais ça? Avec mon cœur. Est-ce qu'il n'était pas fasiq avant cet acte du cœur? Non, il était fasiq avant cet acte du cœur. Comme avant le takfir, il était kafir. Avant que je fasse son takfir avec mon cœur. Le tabdi', pareil. Quelqu'un qui prend le statut de mubtadi', il l'a pris avant mon tabdi'. Comme ça, rahmatullah. Donc cette action, on appelle ça un nisba d'attribution, se fait donc par le cœur. Car certaines personnes respectables, hein, des savants, réfutent ce mot tawhid et disent que at-tawhid, c'est l'unification, donc c'est la réunion de choses dispersées, et que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas quelque chose de dispersé que l'on va réunir. Donc il ne faut pas utiliser ce mot-là. Ça, c'est une erreur qui est même grave en réalité, car le tawhid, dans le char, il existe. Le tawhid existe. D'abord, dans le Coran, il existe dans son sens. Il existe dans le ma'na, dans son sens. Mais il n'existe pas, le mot tawhid n'est pas cité dans le Coran. Mais le sens du tawhid est présent de Al-Fatiha jusqu'à Surat An-Nas. Iyyaka na'budu, c'est du tawhid. Ça, c'est tawhid illahi bil ibada. Iyyaka nasta'in, tawhidullah bil isti'ana. Iyyaka na'budu, c'est l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la ibada. Wa iyyaka nasta'in, l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'isti'ana, la demande de secours. Puis, le mot tawhid existe dans la sunna. Existe dans la sunna, dans le hadith de Jabir, un long hadith où il décrit le hajj. Et il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc lorsqu'il a fait la talbiya, il a dit, fa'ahalla bit tawhid. Fa'ahalla bit tawhid. Il prononça le tawhid. Et Jabir ici renvoie à l'expression, labbaik, Allahumma labbaik, labbaik, la sharika lak, labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk, la sharika lak, qui est une expression de tawhid. Et Jabir radiallahu anhu, qui est un sahabi, radiallahu anhu, a utilisé le mot tawhid. Et il existe aussi dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, mais qui renvoie une notion grammaticale en arabe, où le prophète alayhi salatu wassalam dit فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et dans une autre version, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ. Qu'il unicise Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est une notion, biznillah, les dorous sont enregistrés, qu'on l'en comprendra peut-être plus tard. Il a أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهِ, ce « أَنْ » lorsqu'il entre sur un verbe comme ça, « مُدَارِعَ » après, il est interprété comme étant un « masdar ». Donc, c'est l'équivalent de dire « il a » Tawhid Allah Azza wa Jal. Il a an yuwahhid Allah, il a tawhid Allah. Inch'Allah, c'est une notion que l'on verra Inch'Allah plus tard dans le futur. Cela nous permet d'étudier un peu la langue arabe. Donc le mot tawhid existe dans son sens dans le Coran et existe bil-lafd dans la sunna. Il existe bil-lafd, c'est-à-dire dans son terme, dans la sunna et notamment sur la langue des salafs et à leur tête, Jabir radiallahu anhu, dans le hadith du Hajj. Le lien entre la aqida et le tawhid est la différence entre la aqida et le tawhid. La aqida, nous avons donc dit que c'est la croyance aux six piliers. Le premier pilier donc de la foi, c'est al-imanu billahi azza wa jalla. Et al-imanu billah, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, nous l'avions vu l'année dernière, se compose de quatre choses. La première, la croyance en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, l'unicisation ou l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité. Quatrième, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et ses attributs. le tawhid, la science du tawhid, s'occupe de cette partie-là. Seulement et uniquement. La science du tawhid s'occupe du premier pilier des six piliers de la foi. Donc l'aqida est plus large et plus générale que le tawhid. Mais le tawhid fait partie de l'aqida. Donc toute aqida est tawhid, mais pas tout tawhid est aqida. Non, afwan, le contraire. Tout tawhid est aqida, mais pas tout aqida est tawhid. Il y a aussi des notions dans l'aqida qui sont étudiées et qui sont en dehors encore de ces six piliers. Qui sont en dehors de ces six piliers. Et notamment des points par lesquels Ahlul Sunnah wal Jama'ah se différencient de Ahlul Bida'ah, des gens de l'innovation. Comme par exemple des notions qui sont à la base, qui à la base ne font pas partie directement de l'aqida, qui vont peut-être faire partie du fiqh, ou bien de l'mu'amalat. Mais lorsque les gens de l'innovation sont allés à l'encontre de Ahlul Sunnah dans ce point-là, ce point est désormais devenu quelque chose de différenciateur entre Ahlul Sunnah wal Jama'ah, les gens de l'innovation, alors les savants l'ont intégré dans les textes de l'aqida et l'ont étudié et l'ont explicité afin que les gens se différencient de Ahlul Bida'ah par ce point-là. Comme Al-Amr bil Ma'aruf wa Nahi anil Munkar. Par exemple, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, dans sa aqida Al-Wasitiyah, il a un chapitre sur Al-Amr bil Ma'aruf wa Nahi anil Munkar, sur le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et les fondements de Ahl Sunnah là-dedans. Et il montre que Ahl Sunnah al-Jama'ah, ils ordonnent le bien et interdisent le mal en fonction donc du Coran, de la Sunnah, en prenant compte des masalih, des intérêts, des mafasid, des choses négatives, des désavantages qui peuvent être conséquents à cela. Alors que Ahl al-Bida'ah ne regarde pas ça parfois. Et se différencie, donc on se différencie de Ahl al-Bida'ah à ce niveau-là. Aussi l'obéissance au gouverneur, ça c'est des points que l'on trouve dans les textes de Aqidah, mais qui ne font pas partie à la base directement de ça. Mais lorsque sont apparus les Khawarij, qui sortent des gouverneurs sans raison valable, et qui donnent l'autorisation totale et absolue sans aucun critère de sortir des gouverneurs, parce qu'il a peut-être fait une kabira, ou parfois même sans qu'il ait fait une kabira, il donne l'autorisation de sortir des gouverneurs et qu'ils ne sont pas selon la aqida de Ahl Sunnah à ce niveau-là. Les savants aussi ont intégré cela. Ta'at ou l'etl umur. Et ce sont des points ensuite, donc, par lesquels Ahl Sunnah al-Jama'a se différencie de Ahl al-Bida'a, notamment les Khawarij dans ce point-là. Et aussi, d'autres points sont intégrés, comme al-mas'h ala al-khufayn. Mathalan, il y a des mubtadi'a, des innovateurs, qui rejettent le fait de pouvoir essuyer sur les chaussons lors des ablutions, avec les critères connus. Donc ils rejettent cette chose-là. Certains l'ont entré dans la aqida. L'ont entré dans la aqida et ce sont des choses qui sont étudiées et par lesquelles la personne donc se différencie de Ahlul Bida'ah, des gens de l'innovation. Donc ça c'était un petit éclaircissement sur la notion de aqida et de tawhid. Je n'ai pas donné la définition du tawhid donc dans le sens consensuel législatif, mais Inch'Allah vous le connaissez tous, nous l'avons déjà vu, donc c'est l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'utiliserai ce terme moi, par rapport à tawhid, unicisation, bien unification, mais unicisation ça renvoie plus au terme arabe Allah a'lam que unicité. Et l'unicité donc c'est l'état, c'est al-wihda, l'état d'être unique. Et l'unicisation c'est l'acte donc de donner le statut d'unique. Donc, al-tawhid fi shara, dans la législation, dans son sens législatif, c'est l'unicisation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Et nous verrons, inshallah, le sens de tout cela de manière un peu plus détaillée, bi'idhnillah. Donc, ce texte-là, al-usul al-thalatha, est donc un texte qui vient étudier At-Tawhid. Donc ce n'est pas un texte qui est en lien avec la Aqidah dans le sens général, qui va traiter de la foi aux anges, au jour dernier, etc. Même si certains points vont être évoqués. Il va évoquer à la fin des notions concernant le jour dernier et autres. Mais à la base, c'est donc un texte qui est en lien avec At-Tawhid. Et notamment, Tawhid, At-Tawhid al-Uluhiyya. Et At-Tawhid al-Rububiyya aussi. Mais de manière principale, l'unicisation d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa divinité. Et le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullahi alayh, lui a été confronté donc à une forme de shirk spécifique qui était le shirk dans l'Uluhiyya à son époque. Et il y avait des prêcheurs à cette forme de shirk et même des gens qui voulaient vêtir du vêtement de l'islam ce shirk-là et faire croire que ce n'était pas du shirk. Donc il a combattu ces innovateurs, ces associateurs par la plume, par l'épée, rahmatullah alayh, et notamment par des écrits qui sont jusqu'à aujourd'hui des écrits qui sont des références, rahmatullah alayh, et notamment ce texte-là, Al-Usul al-Thalatha, qui est donc un texte simple, élémentaire, court, et qui est destiné en réalité à tout le monde, aux musulmans communs. Et ce texte-là, jusqu'à il y a peu de temps, c'était un texte qui, notamment dans le Hijaz, dans la péninsule arabique, était étudié par tout le monde, après le Fajr parfois, comme dit Cheikh Salih Ali Cheikh Hafidhullah, il dit que c'était un texte qui était lu après Salat al-Fajr et que les gens lisaient et étudiaient, et même les enfants l'apprenaient par cœur, car il comporte des fondements comme le titre l'indique. Il comporte des fondements qui vont être, inshallah, des muhkamat, qui vont être donc des blocs solides avec lesquels tu réfutes les shubuhat, et les shubuhat donc qui vont venir. Et ce texte-là, donc son titre, c'est Al-Usul al-Thalatha. Certains disent que c'est Thalathatul Usul. En réalité, les deux expressions, Wallahu A'lam, sont valides. On peut dire Al-Usul al-Thalatha ou bien Thalathatul Usul, qui traduit, veulent dire quasiment la même chose, les trois fondements. Fal-Aslu, Al-Asl, dans la langue arabe, c'est ce sur quoi on construit quelque chose. Donc c'est le fondement. Et Al-Thalatha, les trois. Donc les trois fondements. Et le Cheikh lui-même, donc dans ses paroles, parfois il disait Al-Usul al-Thalatha, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et parfois il disait Thalathatul Usul. Et certains explicateurs donc de ce texte-là, comme Abdurrahman ibn al-Qasim, rahmatullah alayh, Al-Hanbali al-Najdi, un des grands savants, qui est mort il y a peu de temps, rahimahullah, il y a un siècle environ, c'est celui qui a réuni Ad-Durar al-Saniya, l'encyclopédie des fatawa et des réponses à certaines questions posées des imams du Najd. Et aussi, c'est celui qui a réuni Majmou' al-Fatawa de Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh. C'est lui qui a fait ce travail extraordinaire, rahmatullah alayh, qu'Allah le récompense. Abdurrahman ibn al-Qasim, il a écrit une hashiya. Une hashiya, ce sont des commentaires que l'on fait en bas de page. Et il a écrit une hashiya et il a appelé hashiya thalathatul usul. Hashiya thalathatul usul. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullah alayh, dans son charh, a dit charhu thalathatul usul. Donc thalathatul usul, c'est valide. Et al-usul al-thalatha, c'est valide aussi, inshallah. Qui est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh? Nous allons le présenter, inshallah, de manière assez résumée. Mais inshallah, c'est important de connaître les biographies des savants, de le situer à peu près dans le temps, dans l'espace, de savoir sa da'wa, autour de quoi est-ce qu'elle tournait, quelle était sa aqida, quelle était sa da'wa, son madhhab fiqhi, etc. Ce sont des choses qui sont importantes. Et la lecture des biographies des savants à la différents intérêts et profits. Le premier, c'est comme nous avons dit, d'abord la connaissance de ces gens-là. Parce que l'inqita' anil ulama min masa'ibil umma. Ça, c'est le délaissement et le détachement de nos savants. Ça fait partie des catastrophes et des grands problèmes, des grands fléaux de cette communauté. Aujourd'hui, on voit que les gens ne connaissent plus les savants. Ne connaissent pas. S'ils en connaissent, ce sont les contemporains. Pourquoi? C'est par défaut. C'est parce qu'ils ont vécu avec eux qu'ils les connaissent. Mais connaître nos savants, c'est extrêmement important. Notamment certains savants qui sont symboliques comme ceux-là, qui ont marqué leur époque et qui ont même marqué les époques qui les ont suivis de par, incha'Allah, Allah a'lam, leur ikhlas et leur persévérance, leur patience dans la da'wah et dans le ilm. Donc, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, on l'appelle Cheikhul Islam. Cheikhul Islam, Mohamed ibn Abdul Wahhab, min Bani Tamim. Donc, il fait partie de la kabila, de la tribu des Bani Tamim. Quand on l'appelle, on dit Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab. C'est comme ça qu'il est appelé, rahmatullahi alayhi, de manière générale. Quand est-ce qu'il est né? Oulida hadha al-alim fi baldati al-Uyayna sanata 1115. Il est né où? Dans la région de Uyayna. Et il est né en 1115 de l'Égir, dans une maison remplie de science et d'honneur et de religiosité. Et son père, c'était un grand savant. Rahmatullah alayh. Et subhanallah, on s'arrête juste ici pour faire cette remarque-là que souvent les savants, sauf exception rare, souvent ils proviennent d'une maison, subhanallah, dans laquelle le père, la mère étaient des gens de science, ou du moins des gens qui donnaient de l'importance à la science. Et ceci, pour, tu vois à travers cela la justice d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car souvent quand quelqu'un s'est fatigué, hein, dans la science, et s'est fatigué à apprendre, et s'est fatigué à prêcher, à enseigner, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne en cadeau dans sa descendance un savant, un alim. Et ça, tu le trouves souvent. Tu lis les biographies des savants, très souvent les parents, Cheikh Ibn Taymiyyah, c'est pareil, les oncles, le grand-père, les tantes. Quand tu lis, c'est quasiment tous les savants, ils étaient comme ça. L'imam Ahmed, il a eu ses enfants, beaucoup d'enfants qui étaient après dans l'ilm. Dans le plus connu est Abdullah, mais il n'y avait pas que Abdullah dans les fils de l'imam Ahmed. Et souvent Allah subhanahu wa ta'ala offre aux savants, dans leurs enfants aussi, des gens de science. Nash'atuhu, comment est-ce qu'il a grandi? Donc il a appris le Coran avant la puberté à l'âge de 10 ans. Et là aussi on s'arrête. Et il y a des fawa'id, il y a des profits donc dans cette expression-là, dans cette information-là. Il a appris le Coran avant la puberté à l'âge de 10 ans. La première remarque, c'est que lorsque celui qui a écrit la biographie a commencé à citer son parcours, il a cité comme première notion, il a appris le Coran. Car ça, c'était le minhaj des gens des premiers siècles, des sahaba radiallahu anhum, et des savants rabbani jusqu'à aujourd'hui. C'est l'apprentissage du Coran. L'apprentissage du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est miftah ou kulli ilm, qui est la clé de toute science. Celui qui donne de l'importance au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'astreint à l'apprendre et à qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, incha'Allah, ce cadeau et ce bienfait de pouvoir apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le reste lui sera facilité. Pouvoir apprendre le reste des sciences après avoir appris le Coran, ce sera bi-iznillahi azza wa jal, chose facile. Puis deuxième remarque, c'est qu'il l'a appris à l'âge de 10 ans. Et là aussi, on voit que de la part de son père a su se comporter hein, comme il fallait avec son fils. Il l'a mis tôt dans l'apprentissage du Coran, car l'enfant, hein, il a une capacité d'apprentissage bien plus supérieure que l'adulte. Et les parents qui avaient beaucoup d'attention pour l'apprentissage de leurs enfants les poussaient à apprendre le Coran. Ça faisait partie des habitudes aussi des salafs d'envoyer l'enfant au Kutub, d'envoyer l'enfant chez un shir pour pouvoir apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment donc en bas âge pour pouvoir l'intégrer et le mémoriser. ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا وكان موضع الاعجاب من والده لقوه حفظه. Puis il a appris le fiqh. Donc il a appris le fiqh jusqu'à ce qu'il en ait eu une très grande part. Et c'était quelqu'un dont le père, il était épaté, très étonné, tellement il avait une mémoire, hein, une capacité d'apprentissage, Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, très forte. Et ça aussi, ça, c'est un des cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à son serviteur. Lui donner une mémoire. Celui qui a une mémoire et qui retient facilement aura beaucoup plus de facilité que celui qui n'a pas une bonne mémoire. Mais, cependant, il y a des savants qui ont atteint le degré de savants, qui ont été des gens remarquables et qui ont profité et fait profiter, qui n'avaient pas une mémoire extrêmement forte. Et celui qui n'a pas une très bonne mémoire, il doit compenser par la répétition, inshallah, et ceci l'aidera bi-idhnillahi azza wa jal. Wa kana kathira al-mutala'ati fi kutub at-tafasir wa al-hadith. Et c'était quelqu'un donc qui lisait beaucoup dans les livres de tafsir et de hadith, rahmatullahi alayh. Et là aussi, il y a d'autres profits. C'est que les savants, on peut être savant si on n'aime pas lire. Et ça aujourd'hui, on a de grosses lacunes à ce niveau-là, c'est que certains musulmans n'aiment pas lire. Et ça, c'est problématique. Parce que la première source de science, c'est le Coran. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a descendu un livre. Il n'a pas descendu autre chose. Il a descendu un livre. Donc ce livre-là, il faut qu'il soit lu. Il faut qu'il soit lu. Et nous sommes dans une société où maintenant l'amour de la lecture se perd. Pourquoi ? Parce qu'on t'éduque d'abord à lire des choses qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de goût, qui ne renvoient rien dans ta vie par rapport à ta fitra, à ton existence, tu ne comprends pas ce qu'on te fait lire. Donc les gens perdent le goût de lire. Et la lecture aussi demande de la patience. La lecture demande de la patience. Car parfois, rien que pour découvrir le sens d'une phrase, il faut lire du premier mot au dernier mot. Ce qui n'est pas le cas de l'image, de la télévision, l'image tout de suite renvoie à plusieurs informations. Alors que là, il faut lire le sujet, il faut lire le verbe, il faut lire le complément. Donc les gens, comme ils sont consommateurs, ils veulent tout de suite et éprouvent maintenant même de la paresse à lire une phrase qu'Allah nous protège. Donc wa kana kathira al-mutala'ati fi kutub at-tafasir wa al-hadith. Donc c'était quelqu'un kathira al-mutala'a, qui lisait beaucoup. Donc il donnait du temps dans sa bibliothèque, dans les bibliothèques, dans les ouvrages et qui lisait beaucoup rahmatullah alayh. Wa jadda fi talab al-ilm laylan wa nahara. Et donc il a été énergique. Il a été énergique, donc il a fait preuve de vitalité dans la demande de la science nuit et jour. Nuit et jour, rahmatullah alayh. Fa min jadda wa jadd, il dit le proverbe, celui qui donne de son énergie, il trouvera. Et nous, on voit que les savants, ils ont donné de leur temps, nuit et jour. Et tous les savants que tu as en tête maintenant, n'importe lequel, ce sont des gens qui se sont fatigués pour le ilm. Ce sont des gens qui, lorsque les gens dormaient, étaient éveillés. Lorsque les gens se promenaient, étaient eux aussi étaient dans l'apprentissage. Et c'est par ce gain de temps que Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Par leur ikhlas, par leur investissement où les gens ne s'investissaient pas. L'imam Nawawi, qui est quelqu'un aujourd'hui de connu partout, c'était quelqu'un qui était extraordinaire aussi dans l'économie du temps, dans le fait de profiter de son temps. Ala-ad-Din ibn al-Attar, qui est surnommé Shafi'i al-Saghir, qui était un compagnon de l'imam Nawawi, dans sa jeunesse, il dit que l'imam Nawawi avait une boisson par jour et une portion de nourriture par jour. Rahmatullahi alayh. Et c'était quelqu'un, comme il rapportait dans sa biographie, Wallahu a'lam, qui lorsqu'il est arrivé à Dimashq pour demander la science, pendant 2 ans, ses côtes n'ont pas touché le sol. Pendant 2 ans, ses côtes n'ont pas touché le sol. Et lui-même dit que le sommeil le prenait parfois, alors qu'il avait encore le livre entre les mains, et le sommeil le prenait et il s'endormait alors qu'il était assis. Donc c'est des gens qui se sont investis. Nous, si on lit ça, c'est peut-être pas pour atteindre ça. Mais ne serait-ce qu'un petit pourcentage de cela, ce sera, Allahu Akbar, quelque chose, Inch'Allah, qui nous sera profitable. Imam Ibn Taymiyyah, une fois, sa famille, ses proches, lui ont proposé d'aller se promener dans un jardin et il a refusé. Pourquoi ? Parce qu'il était dans l'apprentissage. Et lorsqu'ils sont revenus, il leur a donné la notion qu'il avait appris et il a dit, c'est pour ça que je ne suis pas parti car vous n'avez rien appris. Effectivement, ils n'avaient rien appris. Ils sont allés se balader dans un jardin et lui est resté pour apprendre, rahmatullah alayh. Et les savants profitaient de leur temps. D'autres ont écrit, il y a une manzuma qui est connue, j'ai oublié, Allah a'lam si c'est pas Qasab al-Sukkar de l'imam al-Amir al-San'ani fi ilm hadith, mais je ne suis pas sûr, qui lors de sa fille est tombée malade une nuit, et par ses douleurs et sa fièvre, etc., faisait que crier, ne l'a pas laissé dormir. Et pendant qu'il surveillait sa fille malade, il a écrit un poème sur la science du hadith, pendant qu'il surveillait sa fille qui était malade. Donc les gens ont profité de leur temps. Les gens ont profité de leur temps, ne gâchaient pas leur temps. Donc nous aussi, à nous de ne pas gâcher notre temps, que ce soit dans la voiture, dans le train, dehors, à la maison, etc. Profitons de notre temps, car le temps qui passe, Inch'Allah, ne sera pas remplacé. C'est un capital qui est parti et que tu ne retrouveras pas, mon cher frère. فَكَانَ يَحْفَظُ الْمُتُونَ الْعِلْمِيَّةَ فِي شَتَّ الْفُنُونَ. Et il apprenait donc les textes de science dans les différents domaines, les différentes matières. Ça aussi encore, on doit s'arrêter pour pouvoir tirer des leçons. La première, c'est que il apprenait donc des moutounes. Et ça, ce minhaj qu'il a entrepris, c'est le minhaj de tous les savants. Il n'y en a qu'un de minhaj, il n'y en a pas 10. Les minhaj aujourd'hui, les voies académiques, les nouvelles pédagogies tirées de l'Occident, sont des pédagogies qui vont exterminer la science dans notre umma. Car il n'y a qu'une voie pour apprendre dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la voie comprise ces savants-là. Et quelle est cette voie-là? Il apprenait par cœur des textes. فَكَانَ يَحْفَظُ الْمُتُونَ الْعِلْمِيَّةِ فِي شَتَّ الْفُنُونَ dans différents domaines. Donc la première chose, c'est qu'ils apprenaient par cœur. Ils apprenaient au Sultalessa par cœur, puis ils écoutaient l'explication d'un shir. Ils apprenaient un texte dans le fiqh par cœur, عُمْدَةَ الْفِيقِ, Metn ibn Ashir ou autres, les mutun, les textes connus dans chaque madhab, que ce soit Maliki, Hanbali, Hanafi ou Shafi'i, puis ils écoutaient l'explication. Et certains savants refusaient donc d'expliquer un texte à un élève qui ne connaissait pas par cœur le texte, car il n'y avait pour lui pas de sens à écouter une explication de quelque chose que tu n'as pas dans ta poitrine. Puis, fi shattal funun, dans les différents domaines. Et là, il y a une différence entre les savants des époques précédentes et beaucoup de gens de notre époque qui se prétendent savants. Il n'y avait pas de spécialisation dans les siècles précédents. Et s'il y avait une spécialisation, elle se faisait après que la personne ait recouvert toutes les sciences. Donc les savants dans le passé étaient savants dans le Coran, étaient savants dans le Hadith, étaient savants dans la langue arabe, étaient savants dans l'Usul, étaient savants dans tous les domaines. Puis, l'âme ayant un penchant vers une science, ou bien parfois parce que certaines sciences demandent un investissement qui ne te permet plus d'avoir du temps dans le reste, comme la science du hadith par exemple, la science du Sened, la chaîne de transmission, qui est une science océanique qui demande toute une vie, alors à ce moment-là, les savants se penchaient donc vers une science plus qu'une autre. Mais à la base, ils étaient savants dans toutes les matières. Mais aujourd'hui, on voit savant dans Usul Fiqh, Jahil dans la langue arabe. Comment il peut être savant dans Usul Fiqh et il n'est pas savant en langue arabe? Alors que Usul Fiqh, c'est en lien intime, direct et indissociable avec la langue arabe. Savant dans le Coran, on entend docteur fi ulum al-Qur'an, mais jahil dans la langue arabe, ignorant dans la langue arabe. Ce n'est pas possible que tu sois savant dans le Coran et ignorant dans la langue arabe. Savant dans le Fiqh et ignorant dans la langue arabe ou dans Usul al-Fiqh. Ce n'est pas possible aussi. Donc il y a en vérité une interdépendance entre les différents domaines, d'où le fait que les savants avant apprenaient toutes les sciences, et aujourd'hui aussi certains kibars bien sûr, toujours ont ce minhaj, et ils ont, alhamdoulilah, ils recouvrent toutes les sciences, walillahi alhamd. Thumma rahala ila al-Madina al-Nabawiya faqara'a ala ulama'iha. Puis il est parti à Médine, et il a donc étudié chez les savants de Médine. Rahmatullahi alayhim. Et Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, qad wahabahu Allah fahman thaqiban wa zaka'an mufratan wa akabba ala al-mutala'ati wal-bahth. C'était quelqu'un à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné une compréhension, donc une compréhension extrême, une très grande intelligence. Et c'était quelqu'un donc qui a donné beaucoup de temps dans le mutala'a, la lecture, et dans le bahth, la recherche. Wa ta'lif, et aussi dans l'écriture donc des livres. Rahmatullahi alayh. Et c'est quelqu'un qui a mis sous forme d'écrit beaucoup de livres d'Ibn Taymiyyah et d'Ibn al-Qayyim. Et ça, c'était une tariqa qu'avaient les anciens. Souvent, quand ils lisaient un livre, ils le recopiaient. Ils le recopiaient ou parfois le résumaient. Par exemple, Cheikh Mohamed Abdel Wahab a un Mukhtasar de Al-Iman al-Kabir de Cheikh Ibn Taymiyyah, qui est un gros livre sur Al-Iman de Cheikh Ibn Taymiyyah. Cheikh Mohamed Abdel Wahab en a fait le résumé. Et parfois, il faisait carrément un manuscrit de certains livres. Pourquoi ? Qu'il gardait personnellement et qu'ensuite il donnait, Inch'Allah, comme étant à Ouma, quelque chose de profitable. Et donc, c'était quelqu'un qui était donc dans Najd, dans la région du Najd. Et sa da'wah, c'était une da'wah sur la voie des salafs. Et qui notamment, c'est quelqu'un qui a donc levé la voix, la plume et le sabre contre le shirk et certains gens de la bid'a. Et c'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la nusra de ce din, pour la victoire de cette religion. Et il a eu affaire donc à des innovateurs et des mouchriquines à son époque qui adoraient les tombes, qui adoraient les pieux, qui avait une aqida donc déviée à ce niveau-là, et c'était quelqu'un donc qui a été une épine dans la gorge de ces gens-là. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait donc un grand cadeau pour pouvoir donc raffermir sa da'wa, c'est qu'il a été assisté par Al Saoud, la famille Saoud, rahmatullah alayhim, qui donc ont été en partenariat avec qui ont aidé donc Cheikh Mohamed ibn Abdel Wahab à propager cette da'wa, et ils ont donc ce grand honneur de pouvoir d'avoir pu après créer leur état avec la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala appliquée. Wa quwwiyat shawkatuhu wa dha'a khabaruhu rahmatullahi alayh. Wa qad shadda azrahu al-wulat min ali sa'ud wa quwwiyat shawkatuhu wa dha'a khabaruhu. Donc c'était quelques inshallah traces de la vie de Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab rahmatullahi alayh. Donc nous entrons inshallah bi iznillah azza wa jalla Inch'Allah, dans l'explication du texte. Donc, ce texte-là, nous avons dit, c'est Al-Usul al-Thalath. Donc, ce texte-là, comme vous avez pu le voir, il est composé de trois principales parties. De trois parties principales. La première, une introduction. La deuxième, c'est le cœur du livre, qui sont les trois fondements. La troisième, c'est une conclusion. La première partie, donc qui est l'introduction, est elle-même composée de trois parties. La première, qui est introduite par l'expression « I'lam rahimakallah »« Sache qu'Allah te fasse miséricorde »« Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail » »« Sache qu'Allah te fasse miséricorde » qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre notions. Ça, c'est la première partie de l'introduction. Deuxième partie, encore, i'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Qu'il est obligatoire pour nous de connaître trois notions. Troisième partie, i'lam arshadakallahu li ta'ati. Sache qu'Allah te guide vers son obéissance. Puis il parle de millat Ibrahim, de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Ces trois parties font partie de l'introduction. Deuxième partie, c'est wa idha qila laka mal usul al-thalatha. Et si on te demande quels sont les trois fondements, ça c'est le cœur du texte. C'est ça le sujet de notre texte, c'est ça. Les trois fondements, la connaissance donc de Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance du din d'Allah subhanahu wa ta'ala et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis, en troisième partie, donc qui est la conclusion, le cheikh a évoqué la foi au jour dernier, il a parlé aussi de certaines notions, et notamment du tarout, et des différents tawarits, des tawarits principaux, et puis il a terminé son texte, rahmatullahi alayhi. Donc ça c'est la construction du texte. Concernant l'introduction, les trois i'lam, rahimakallah, i'lam, rahimakallah, i'lam, arshadakallahu li ta'ati, sache qu'Allah te fasse miséricorde. Ces trois parties-là, certains disent que ce sont des élèves qui ont introduit ça, et d'autres disent que c'est le shaykh. Wallahu a'lam, ce qui paraît plus authentique, c'est que c'est le shaykh, rahmatullahi alayh, qui a écrit cela, et cela fait partie donc intégrante de son texte. Wallahu a'lam. Donc le cheikh a commencé son texte, nous débutons inshallah par Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Cette expression là en arabe on l'appelle al-basmala. On l'appelle al-basmala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdalah. La hawla wa la quwwata illa billah, alhawqalah. Cette expression Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc le cheikh a commencé donc son texte par cette expression là en prenant comme modèle le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Coran commence par cette expression là qui est Bismillahir Rahmanir Rahim. Et cette expression là Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc c'est une expression qui fait partie donc du Coran, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui ne fait pas partie, Allahu a'lam. C'est un avis parmi les avis des savants qui paraît le plus prépondérant, qui ne fait pas partie de chaque surah. Donc, Bismillahir Rahmanir Rahim ne fait pas partie d'Al-Fatiha, et ne fait pas partie de chaque surah par lesquelles elle commence, si ce n'est dans surah An-Naml, Bismillahir Rahmanir Rahim est cité dans la surah. Ici, elle fait partie du Coran et de la surah de manière consensuel, sans aucune divergence. Mais l'avis, Allah a'lam, le plus prépondérant, c'est que Bismillahir Rahmanir Rahim, donc ça fait partie des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du Coran, mais ça ne fait pas partie, donc, de chaque surah, si ce n'est de surah An-Naml, concernant l'expression Bismillahir Rahmanir Rahim se trouvant dans la surah. Et il y a un hadith, mais qui est faible chez la majorité des savants, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar. Toute chose ne commençant pas par bismillah est quelque chose de tronqué. Mais le hadith, Allahu a'lam, les savants du hadith majoritairement l'affaiblissent. Donc le cheikh a commencé son texte par cette expression prenant modèle sur le livre d'Allah et aussi sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, qui, lorsqu'il écrivait des livres, donc des messages au roi, disait, commençait donc par Bismillahir Rahmanir Rahim. Comme il a écrit à Hercule, Bismillahir Rahmanir Rahim, min Muhammad ibn Abdullah ila Azim ar-Rum. De Muhammad, fils de Abdullah, au grand de Rome. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, écrivait donc ses lettres en commençant par Bismillahir Rahmanir Rahim. L'expression Bismillahir Rahmanir Rahim par rapport à l'arabe. Donc Bismi au nom Lahi d'Allah Bismillahi Ar-Rahman, nous allons voir son sens. Ar-Rahim, nous allons voir son sens. Cette expression là elle sous-entend quelque chose en arabe. D'ailleurs même en français quand on dit au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, en soi-même ça veut rien dire. Tout seul comme ça. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très, très miséricordieux. Quoi? Au nom d'Allah, quoi? Quelle est l'action? Quel est le sens de cette phrase-là? Donc, il y a un taqdir, quelque chose de sous-entendu dans le sens. Bismillahir Rahmanir Rahim, on doit mettre un verbe. On doit mettre un verbe pour terminer le sens de cette phrase en arabe. Ce verbe-là, on va choisir un verbe donc qui est spécifique, qui renvoie à l'action que l'on fait. Donc pour ici, pour le cheikh qui écrit, le verbe sous-entendu c'est Bismillahir Rahmanir Rahimi Aktub. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, j'écris. Quand je dis Bismillah avant de manger, c'est sous-entendu Bismillah Akul. Au nom d'Allah, je mange. Quand je dis Bismillah avant une action, Bismillahir Rahmanir Rahim, avant une action, ce que je sous-entends, et notamment c'est important ça par rapport à Amalul Qulub, par rapport au cœur et à la compréhension, comment vivre les expressions de la sunna. C'est-à-dire Bismillah comme ça dans le vide. Non, Bismillah quoi mon frère? Bismillah, sous-entendu je mange au nom d'Allah. Bismillah, et je sous-entends donc le verbe qui est spécifique. On ne sous-entend pas un verbe qui est qui est général. Bismillah abtadi'u, par exemple. Au nom d'Allah, je commence. Mais tu commences quoi? Tu commences à mettre tes vêtements? Tu commences à sortir de chez toi? Tu commences à manger? Tu commences à écrire un livre? Donc, la basmala, bismillahirrahmanirrahim, il y a un verbe qui est sous-entendu et qui est donc un verbe spécifique qui est celui de l'action que l'on fait. Ensuite, ce verbe-là, on le sous-entend après l'expression. Car en arabe, à la base, donc la jumla fi'liya, la phrase verbale, elle débute par le verbe. À la base, c'est Aktubu bismillahirrahmanirrahim. J'écris au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais lorsque j'ai reculé le verbe qui, à la base, doit être en début de phrase, ceci en arabe, c'est un rôle de donner comme sens que je n'écris que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si je dis Akulu bismillah, je mange au nom d'Allah, ça veut dire je mange au nom d'Allah, mais il se peut que je mange en un nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Aktubu bismillah, j'écris au nom d'Allah, il se peut, l'expression en arabe là n'exclut pas que tu écrives au nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En revanche, bismillahi aktub yufidul hasr wal qasr. Ceci implique que de manière spécifique, tu écris que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Akulu bismillah, je mange au nom d'Allah. Mais il se peut que tu manges au nom d'Allah et au nom d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de reculer le verbe et de le mettre après l'expression bismillahirrahmanirrahim implique que ce que l'on fait n'est fait qu'au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, vous le trouvez aussi dans la Fatiha. Iyyaka na'budu. À la base, c'est na'buduka. La base, nous t'adorons na'buduka. Nous adorons toi. La iyyaka na'budu. Na'budu, c'est nous adorons. Ka, toi. Na'budu, ka. Na'budu, nous adorons. Ka, ce damir-là, toi. Na'budu, ka. Nous adorons toi. Le kef, on l'a enlevé, le damir, on l'a enlevé, on l'a mis au début, avant le verbe. Alors que normalement, il doit être après le COD, le muf'ul bih. On a dit, iyyaka na'budu. On a avancé ce qui devait être en position reculée à la base. Et ceci, dans la balara, dans les longues arabes, ça a un sens, pas comme ça. Ici, la notion de tawhid est présente. Et nous allons voir la définition du tawhid, qui est l'attribution de l'unicité d'Allah, de l'unicité à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, dans sa divinité, dans ses noms et attributs, cela n'est pas suffisant. Il faut rejeter ça à autrui. Donc, iyyaka na'budu, c'est nous n'adorons que toi. Na'buduka, tu ne peux pas traduire par nous n'adorons que toi. C'est nous t'adorons. Peut-être quelqu'un d'autre avec lui. Iyyaka na'budu, sans dire en plus nous n'adorons personne d'autre avec toi, l'expression en elle-même l'indique, car le damir a été mis en position avant le verbe, alors qu'à la base, il devait être après le verbe. Donc ça, c'était l'intérêt de sous-entendre le verbe après l'expression bismillahirrahmanirrahim. Et aussi, l'autre intérêt, c'est de commencer par bismillahirrahmanirrahim, espérant, demandant la baraka du nom d'Allah subhanahu de l'expression bismillahirrahmanirrahim. Donc commencer par ça, c'est en espérant la baraka, inshallah, la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahi. Donc bismillahi, Allah. Allah est donc un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même al-ismul jami', c'est le nom réunissant tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le mot Allah à la base, wallahu a'lam, il est pris de El Ilah. El qui est le. Adatu ta'rif. Le Alif Lam. Que vous avez vu certains dans les cours d'arabe. Alif Lam. El, comme quand on dit Kitabun, un livre. El Kitabu, le livre. Ilahun, une divinité. El Ilahu, la divinité. Puis la Hamza a été enlevée. Puis la hamza a été enlevée. El i lahu. Elle a été enlevée. Donc il reste quoi? Il reste le L et deux lem qui sont collés. Donc il y a eu un idram. Ils ont fait pénétrer les arabes. El. Après le, ils ont fakham, ils ont grossi le elif. Ils ont grossi le elif pour le ta'zim par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit Allah, Allah. Donc c'est de là que provient le mot Allah. Et donc c'est le al-ismul jami', c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui réunit tous les autres noms et attributs. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc les traductions souvent en français ne permettent pas de voir les subtilités qui existent entre ces deux noms. Ar-Rahman, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui renvoie à la qualité d'Ar-Rahma. Ar-Rahman, c'est celui qui est qualifié de Rahma. Et Ar-Rahman, c'est selon, ça ressemble à, dans sa schématique pour simplifier, Al-Radban, Radban. Radban, c'est quelqu'un qui est plein de colère. Radib, c'est quelqu'un qui est en colère. Radban, c'est quelqu'un qui est plein de colère. Shab'an, quelqu'un qui est plein de satiété, il a plus faim. Rahman, plein de rahma. Donc, complet dans la rahma, subhanahu wa ta'ala. Donc, Ar-Rahman, ça renvoie à la qualification, à être qualifié de rahma. Ar-Rahim, ça renvoie à l'acte. L'acte, donc, de transmettre la rahma, de faire rahma. De faire rahma à la création. C'est pour ça que le mot rahim, dans le Coran, on le trouve pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète, alayhi salatu wa sallam, il est qualifié à la fin de surat al-Tawbah, bil mu'minina ra'oufur rahim. Avec les croyants, ra'ouf, rahim. Il est miséricordieux, le prophète, alayhi salatu wa sallam, avec les croyants. Mais rahman, tu ne le trouveras jamais, ça. Pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Rahman, c'est exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne peut être attribué à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Rahim, ça peut être attribué, autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut être qualifié de Rahim. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est concernant l'expression Bismillahirrahmanirrahim. Ensuite, le Cheikh a dit, I'lam rahimak Allah. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre choses, quatre notions. إعلم. إعلم, sache. Le Cheikh a dit cette expression-là, إعلم, c'est للتنبيه, c'est pour attirer l'attention de celui qui lit. Sache, le Shir a dit cette expression-là afin que toi, ô lecteur, tu prêtes attention, tu ouvres tes oreilles, tu ouvres tes yeux, tu te concentres sur ce que tu vas lire. Car ce qui va arriver ensuite, après cette expression, est quelque chose de fondamental dans ta religion. Donc le Shir a utilisé cette expression pour éveiller le lecteur. Et ceci est une des pédagogies à utiliser par celui qui parle ou par celui qui écrit, de utiliser des expressions qui éveillent la personne hein, qui est en train d'écouter ou bien qui est en train de lire afin que, inshallah, il ne s'endorme pas. I'lam, sache. I'lam, donc c'est tiré du ilm. I'lam, c'est un verbe à l'impératif, sache, qui est tiré donc du savoir, de la science. Et al-ilm, donc dans la langue, c'est idrak shay'i 'ala ma huwa 'alayhi idrakan jaziman. Donc al-ilm, la science, dans la langue arabe, ça va être c'est se représenter quelque chose comme elle l'est réellement, avec certitude. se représenter quelque chose comme elle l'est réellement avec certitude. Donc se représenter quelque chose comme elle est réellement mais avec doute, bien je pense, ce n'est pas du ilm. Se représenter quelque chose mais contrairement à ce qu'elle est en réalité, ce n'est pas du ilm non plus. Et ne pas se représenter quelque chose, ça c'est du jahl, ça n'entre pas bien sûr dans le ilm, dans la science. Et al-ilm, mes chers frères, lorsqu'il est utilisé dans le Coran et la Sunna, ça c'est une notion importante, il renvoie au ilm shar'i. Il renvoie à la science, donc du din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite al-ilm, la science, al-ulama, les savants, qu'il en fait l'éloge, qu'il en fait l'éloge, et qu'il donne une récompense en conséquence d'un acte, d'un savoir, etc., c'est seulement et uniquement pour la science du din, la science donc islamique. La médecine n'entre pas là-dedans. L'architecture n'entre pas là-dedans. Toutes ces sciences qui sont mondaines, pour lesquelles aussi il va y avoir des récompenses, et aussi qui sont importantes, et qui sont des furud kifaya, qui sont des obligations communautaires, mais à la base, ils n'entrent pas dans ces versets, ces hadiths-là. Donc il faut faire attention à ne pas prendre comme délil des versets, des hadiths, parfois, par rapport à des sciences mondaines, hein, et voulant motiver les gens avec des versets et des hadiths qui en réalité ne sont descendus seulement et uniquement pour les gens de science, dans le sens donc restreint de la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve de cela, c'est la compréhension des salafs. Il n'y a aucun sahabi, on n'a pas de traces, alors que ces sciences-là existaient à leur époque, utilisant ces versets et ces hadiths-là pour faire l'éloge des scientifiques mondains de ce bas monde, médecins ou autres. Mais ce qui ne veut pas dire que l'on méprise et sous-estime cela, non, ça, c'est très important. Ça peut même être prioritaire pour certains sur la science religieuse. Si on n'a pas de médecin au niveau communautaire et que quelqu'un, et qu'on a des gens, alhamdoulilah, qui comblent les sciences religieuses et que quelqu'un peut maintenant soit partir apprendre les sciences religieuses ou bien la médecine pour pouvoir revenir et soigner les corps, Inch'Allah, de la communauté, il devient donc une obligation, même individuelle à ce moment-là, pour lui d'aller, s'il en a la capacité, d'aller apprendre cette science-là. Car la société musulmane ne peut subsister s'il n'y a pas non plus ce genre de métier. Donc ce n'est pas une sous-estime de ces notions-là, mais c'est une parole de haq. Les versets et les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, sont venus faire l'éloge donc du ilm shar'i. Donc il dit le shir i'lam, sache. Et il parle au singulier. Il parle au singulier. Et il utilise le singulier. Il y a plusieurs intérêts. D'abord, Allahu a'lam, ça permet de familiariser le lecteur et d'attirer son attention. Car en lisant, tu ressens que le shir te parle de manière plus directe que s'il avait parlé au pluriel. Et le fait qu'il parle au singulier, ça ne veut pas dire qu'il a, lui, a visé qu'une personne et que cette lettre-là, ensuite, a été transmise et recopiée, et transmise à d'autres. Non, à la base, lui, il a utilisé le singulier, mais il vise tout le monde, qu'il soit humain. Et même les djinns sont visés par ces tekalifs, par ces notions que nous allons voir d'aqida. Donc, « I'lam sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. » Donc ça, c'est une dua du shir, rahmatullahi alayh, pour son élève, pour celui qui est en train de lire cette lettre-là, ce message, cette risale. Qu'Allah te fasse miséricorde. Et par cette dua, le shir, il te montre qu'il a de la rahma, de la miséricorde pour toi et de l'amour et qu'il te veut le bien. Et ça, ça doit être l'état, hein, de l'enseignant envers son élève, qu'il fasse preuve de miséricorde et de rahma, tout comme était le prophète alayhi salatu wassalam avec les sahaba radiyallahu anhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré au prophète alayhi salatu wa salam dans sourate Ali Imran qu'adviendrait-il si jamais c'était quelqu'un de dur, s'il avait été quelqu'un de dur. Et il a dit, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Par miséricorde d'Allah, tu as été doux avec eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu étais فَضًّا, quelqu'un de dur, de brutal, غَلِيظَ الْقَلْبِ, au cœur épais, c'est-à-dire quelqu'un de dur, au cœur dur, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, il se serait enfui d'autour de toi. Donc, celui qui est dur dans cette da'wa, hein, c'est certain qu'il ne va pas attirer et que les gens vont s'enfuir de lui. Mais la douceur, hein, et la dureté, ils doivent répondre à la hikma. Ils doivent répondre à la sagesse qui est mettre la chose à sa bonne place. Donc la douceur, tout le temps, hein, ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la hikma. Et ashidda, tout le temps, ça ne fait pas partie de la hikma. Allah subhanahu wa ta'ala dit ashidda wa ala al-kuffar et ruhama ou baynahum. Dur envers les mécréants et miséricordieux entre eux. Donc la shidda, la dureté, doit être mise à la bonne place, au bon endroit, et la douceur au bon endroit, au bon moment. Et tout ceci fait partie de la basira dans la da'wa, de la clairvoyance dans la da'wa. Donc, rahimakallah, c'est une dua du shaykh, il te montre sa compassion, sa rahma et son amour pour toi. Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre notions. Annahu yajibu, qu'il est obligatoire. Qu'est-ce que veut dire le shirk par obligatoire? L'obligatoire que le shirk vise ici, c'est le plus haut niveau d'obligatoire qu'il existe dans le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous savez mes chers frères, il y a cinq statuts juridiques en islam. Al-wajibu, l'obligatoire. Al-mustahab, le recommandé, qu'on appelle aussi al-masnoun, ou bien al-mandoub. Al-mubah, le permis. Al-makruh, le détestable. Al-haram, l'interdit. Al-wajib, donc, dans la langue arabe, c'est quelque chose qui tombe et qui est stable. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, au sujet, il parle du chameau lorsque on lui a fait le nahr, lorsque on l'a tué, et qu'il tombe, il dit, فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Et lorsque ses flancs sont tombés au sol et se sont stabilisés. Donc, al-wujub, dans la langue arabe, c'est la tombée et la stabilité après la chute. Et dans l'istilah, donc dans le sens consensuel, c'est ce que a demandé le législateur, c'est-à-dire Allah et le prophète alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'a demandé le législateur de faire d'une manière impérative. Al-wajib, l'obligatoire, c'est ce que a demandé le législateur de manière impérative. On a donc cinq statuts juridiques. L'obligatoire, le recommandé, le permis, l'interdit, le makruh, détestable, pardon, le haram, l'interdit. Le wajib, ce qu'a demandé le législateur, ce qu'a demandé. On en a trois qui tombent. Le haram, Allah ne l'a pas demandé, il l'a interdit. Le makruh, Allah ne l'a pas demandé, il l'a interdit. Le mubah, le permis, Allah ne l'a pas demandé non plus. Il ne l'a ni interdit et ni demandé, ni ordonné. Donc il reste le mustahab et le wajib. Ce qu'a demandé, ce qu'a ordonné le législateur de faire de manière impérative. Là, on perd le recommandé, le mustahab, qui n'est pas demandé de manière impérative. Et comment est-ce que l'on reconnaît à travers la lecture du Coran et de la Sunna que quelque chose est demandé de manière impérative? C'est lorsque le délaissement de cet ordre-là implique que la personne est soumise au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et que si elle le fait, Inch'Allah, elle est, Inch'Allah, soumise à obtenir une récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme al-wajib, mathan, parmi al-wajib, la salat, la prière. Celui qui l'a fait, Inch'Allah, espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne la fait pas, il est soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci si on dit qu'il reste musulman. Si on dit que c'est quelqu'un qui sort de l'islam, et c'est la vie authentique, on ne dit pas, il est, Inch'Allah, il est peut-être donc sous le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est sûr, il est mécréant, il sera éternellement en enfer. Mais مثلاً, autre chose, un autre wajib, مثلاً, silat al-rahim, lier les liens de la parenté. Celui qui le fait, il espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne le fait pas, ça ne le sort pas de l'islam, mais c'est un grand péché, c'est grave, et il est soumis au châtiment divin, yawm al-qiyam. Donc ça, c'est un critère qui différencie donc al-wajib du mustahab. Le mustahab, quelque chose de recommandé, si tu le fais, tu espères obtenir, inshallah, la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne le fais pas, tu n'es pas soumis au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est recommandé, et ce n'est pas une obligation. Et al-wajib, mes chers frères, le mot wujub, obligation, donc dans le shara, il recoupe plusieurs notions. Nous avions vu ça l'année dernière. Parmi ces choses-là, al-rukn, le pilier, al-shart, la condition, et le wajib que nous avions vu dans la prière, qui est intermédiaire, qui est juste après le rukn, qui est intermédiaire entre le rukn, le pilier, et le mustahab. Mais il faut comprendre le wajib, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le shirk, là, qui dit yajibu alayna, il est obligatoire pour nous. Est-ce que c'est obligatoire comme lier les liens de la parenté? Obligatoire comme faire pousser la barbe? Non, ce n'est pas ce degré-là. C'est ça qu'il faut qu'on explique quel est le wajib. Là, c'est le plus haut niveau de wujub dans ton din. Ce que tu vas étudier, là, les trois fondements, il n'y a pas plus obligatoire que cela dans le din d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces notions-là sont ce qu'il y a de plus obligatoire. Donc dans l'obligatoire, il y a al-rukn, le pilier, qui est une composition de la chose qui renvoie à la composition de l'élément que l'on étudie. Comme dans la salade, par exemple, on dit al-ruku', l'inclinaison est un rukn. Car al-ruku', l'inclinaison fait partie intégrante de la salade. S'il n'y a pas de ruku', il n'y a pas de salade. Disparition d'inclinaison, il n'y a pas de prière. Quelqu'un qui fait une prière, qui pour lui est une prière, dans laquelle il n'y a pas de ruku', ça n'en est pas une en réalité. Donc le rukn fait partie intégrante, fait partie de la matière, de la chose qu'il compose. Puis il y a al-shart, qui est la condition. C'est aussi une obligation. Quand on dit al-wudu, les ablutions sont une obligation, sont une condition pour la prière. Est-ce que c'est une obligation ou c'est sunna de faire les ablutions? C'est une obligation. Mais est-ce que ça entre dans la composition de la prière? Non, ça n'entre pas dans la composition de la prière. Donc al-rukn entre dans la composition de la chose alors que le shart est extérieur. Là, ce que nous allons voir, ce sont donc des arkan qui font partie intégrante du din, de la foi. Lorsqu'il y a disparition de ces choses-là, il y a disparition du din. Lorsqu'il y a disparition de la connaissance d'Allah, il y a disparition du din. Lorsqu'il y a disparition de la connaissance de l'islam, il y a disparition du din. Lorsqu'il y a disparition de la connaissance du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a disparition de la religion. Même si la personne, je dis disparition de la connaissance, ça ne veut pas dire que la personne est capable de restituer. Mais que la personne sait ce que c'est. Que la personne sait ce que c'est, ce qu'est l'islam, ce qu'est Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'est le prophète alayhi salatu wa salam, nous le détaillerons plus tard. Donc, al-wajib, l'obligatoire, ici, le wajib qui est visé par le shirk, c'est le plus haut niveau de wujub, d'obligation. Qui est donc le pilier, et même le plus haut niveau de pilier, car c'est la composition même de notre religion, l'islam. Et al-wajib, il peut être, donc l'obligation, elle peut être individuelle ou communautaire. L'obligation individuelle, comme la prière par exemple, c'est une obligation individuelle ça. On ne peut pas faire la prière à ta place. Et il y a les obligations communautaires. Mathalan comme l'Aden, c'est une obligation de communauté. Si tout le monde se met d'accord pour ne pas faire l'Aden, tout le monde a le péché. Mais si une partie de la communauté fait l'Aden, donc le restant des gens est exempté de péché par rapport au fait qu'une partie a fait donc cet acte-là. Ici, est-ce que ce sont des notions que nous allons voir, est-ce que ce sont des notions que si une partie de la communauté le fait, le reste est exempté? Non, bien sûr. Ce sont des choses qui sont individuelles. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Qu'il est obligatoire pour nous. Pour nous. Qu'est-ce qu'il vise par pour nous? Pour nous, il vise tous les humains et tous les djinns. Tous les humains, qu'ils soient musulmans ou kuffar. Il n'y a que ces deux catégories. Pas de catégorie intermédiaire. Il n'y a pas de catégorie entre l'islam et le kuffar. Ça, c'est les Mu'tazila qui disent ça. Ce sont des égarés. Ahl Sunnah al Jama'a, ils divisent l'humanité en deux. Kafir wa muslim. Il y a le mécréant et le musulman. Yajibu alayna, il est obligatoire pour nous musulmans, mais aussi pour les mécréants. Donc là, il vise l'humanité. Car ce que nous allons voir, ce sont les fondements de la religion. Et les fondements de la religion, selon le consensus, l'unanimité des savants, les mécréants aussi sont interpellés par cela. Ils sont visés par les textes parlant du tawhid, du shirk. Ces fondements-là, les fondements de la foi en Allah, la foi aux anges, la foi aux livres, etc., ceci interpelle les musulmans et aussi les mécréants, selon l'unanimité. Concernant les furu', les ramifications, la prière, et quand on va dire les ramifications, c'est dans ce contexte-là, c'est par comparaison à la foi qu'on va dire que la foi est une ramification, la salat est une ramification. Mais la prière est aussi un fondement pris dans un autre contexte. Donc la prière, faire le hajj, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan, lier les liens de la parenté. Est-ce que les mécréants sont interpellés par ces ordres-là et ces interdits-là, ne pas boire le vin, ne pas forniquer, etc., même s'ils n'ont pas réalisé le tawhid? Ça, c'est un sujet de divergence, et l'avis le plus authentique, c'est qu'aussi ils sont interpellés par cela. Et le dalil, il y a plusieurs, mais parmi ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qu'il vous a fait entrer dans saqar, qui est un endroit de l'enfer? Qalu lam nakum min al-musallin. Ils répondirent, nous ne faisions pas partie des prieurs. Wa lam nakun nut'imul miskin, et nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Ce qui est des ramifications et n'est pas en lien direct avec le tawhid et le shirk. Donc ils ont été châtiés par rapport à cela. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa waylun lil mushrikin alladhina la yu'tuna az-zakat. Et malheur aux associateurs qui ne donnent pas la zakat. Et malheur aux associateurs, donc ce sont des mushrikin, ce ne sont pas des musulmans, qui ne donnent pas la zakat. Allah donc a dit malheur à eux, à cause de quoi? Du fait qu'ils ne donnent pas la zakat, ce qui prouve qu'ils sont aussi interpellés par les ramifications de la religion. Mais ici le shirk va nous parler donc des fondements de la religion. Donc il y a unanimité sur le fait que ceci prend en considération les musulmans et les mécréants, et même les djinns aussi sont dans l'obligation d'appliquer ce que l'on va voir. Donc il est obligatoire pour nous d'apprendre quatre notions. الشيخ العثيمين دي dans son شرح رحمة الله عليه, هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. Le Cheikh رحمة الله عليه العثيمين دي, et ces notions qu'a cité donc l'auteur du livre rassemblent toute la religion. Il a dit elles sont donc vraiment importantes à prendre en considération, tellement elles sont profitables. Et le cheikh a dit, yajibu alayna ta'allumu. Al-ta'allum, c'est l'apprentissage. Et le ta'allum, donc dans sa construction, le verbe indique que c'est une chose qui vient petit à petit. Et la science, effectivement, s'acquiert petit à petit, progressivement, elle ne vient pas d'un coup. Inch'Allah, on s'arrête là, bi'iznillah, et on continuera, inch'Allah, la semaine prochaine. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين